voit bien que les consommateurs essayent de plus en plus de mieux connaître ce qu'ils mangent. Et du coup, quand ils ont en face d'eux la personne qui leur fournit les produits, il y a vraiment une relation forcément de confiance qui s'établit. Et pour les producteurs, c'est tout de même très intéressant aussi d'avoir un autre mode de fonctionnement qui permette pour eux de mieux vivre. Pour moi, c'est un peu une forme de commerce équitable, on va dire. Cette vente directe, elle initie des cercles vertueux. Souvent, on m'a dit, j'en avais assez de produire de façon de plus en plus intensive, en gagnant de moins en moins bien ma vie. Je ne voyais pas de solution à ça, et voilà, j'ai fait le saut, et souvent dans le cadre de points de vente fermiers. La région Rhône-Alpes est la région la plus en pointe, et avec une profondeur historique que les autres régions n'ont pas forcément.